Ouah. Aspiration directe. Vortex. Corde. Texte. C'est le corps, c'est le texte. Mélange absurde, baroque. Pourtant, pourtant, c'est comme ça. Ce mélange. Des envies hyper différentes. Roland, le marbre.